le psaume 139, puisque on l'a déjà lu. C'était quelle version que tu nous as lu? Ouais, français courant. Je vais reprendre le psaume 139 avec une autre version, version Louis Segond. Je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai grandi avec avec celui-là, mais maintenant je travaille aussi avec le Semeur aussi comme bible d'étude. Mais je vais lire pour vous et ceux qui l'ont peuvent suivre. Ils nous disent au chef des chantres de David, psaume 139, Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 7, ô irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Petit attache. Petit attache, s'il te plaît. Ok, merci. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Au verset 18, il nous est dit que si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang? Merci. Éloignez-vous de moi. Ils parlent de moi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui t'élèvent contre toi, qui s'élèvent contre toi? Je les ai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sont de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, le psaume de David, le psaume 139, le sujet que développe ce psaume, c'est la science infinie de Dieu. C'est toute la toute-puissance de Dieu, toute la grandeur de Dieu, toute la présence de Dieu. Et j'aime ce psaume parce que le psalmiste s'appuie sur une analyse très détaillée de qui est Dieu. Mais qui est Dieu, non pas pour les autres, mais pour lui. David ne s'occupe pas, lorsqu'il exprime une louange à Dieu, lorsqu'il exprime son adoration à Dieu, il ne s'occupe pas de ceux qui l'entourent. C'est comme ça que je conçois David. David est quelqu'un qui se tourne vers Dieu et il oublie tout ce qui se passe autour de lui. Il se concentre sur Dieu. Il essaie et il touche le cœur de Dieu constamment. C'est pourquoi l'Éternel a pu dire David, un homme selon mon cœur, parce qu'il cherche à me connaître. Lorsque le psaume démarre premièrement par Éternel. Il s'adresse à Dieu. Comme nos prières, nos louanges, là, nous ne sommes pas là pour un homme, pour une personne, mais nous avons choisi de venir parce que Nous voulons rencontrer Dieu, nous voulons être dans sa présence, nous voulons se rencontrer parce que nous dégageons quelque chose, nous dégageons tout l'amour de Dieu, toute la bonté de Dieu. Et David commence par ce psaume en éternel, c'est toi que je prie, c'est toi que je parle. Et il continue par « sonde-moi ». Et ce sera là mon premier point, « sonder ». Souvent David va parler de le fait que l'éternel puisse le sonder. Et vous allez voir, au début, il parle de que l'Éternel le sonde, et même à la fin encore, au dernier verset, lorsque nous lisons, le dernier verset, au verset 23, il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Il commence par le, entre guillemets, je vais dire, le sondage, et il continue par le sondage. Alors, c'est quoi un sondage? Un sondage, c'est que quelqu'un veut connaître les opinions des autres, et il va poser des questions. On le sait, sondage, on va prendre le temps pour poser des questions, pour savoir quels sont, je prends le cas d'une entreprise, une entreprise de marketing, son service de marketing va poser des questions, va envoyer des questionnaires, va envoyer un sondage pour savoir est-ce que ce produit-là, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, etc. Mais un sondage, nous verrons par la suite quelles sont les répercussions de ce sondage, qu'est-ce qu'on fait avec un sondage. Donc, ce sera mon deuxième point. On va voir le résultat de ce sondage. Premièrement, le sondage. Le sondage, David parle à l'Éternel et dit « Sonde-moi ». Sonde-moi parce que, en tant qu'être humain, on est très, comment je pourrais dire, on est des hommes qui sont très compliqués, entre guillemets. On est des hommes très compliqués et Dieu nous a créés afin que nous soyons des hommes et des femmes complexes. Des hommes et des femmes qui sont, lorsque je dis complexes, mais dans le sens qui sont difficiles à cerner, difficiles à connaître. Bien souvent, on a des connaissances, mais si vous comptez bien le nombre d'amis que vous avez, vous pouvez les compter, comme on dit, sur le doigt d'une main, le nombre d'amis. Parce que connaître quelqu'un, ça veut dire que ça prend du temps. Et il faut passer du temps avec la personne. Connaître quelqu'un, ça demande un investissement. Il n'a pas d'argent, il est mon ami, il ne va pas me le demander. Je vais lui donner avant même qu'il me demande l'ami. Parce que c'est mon ami, parce que maintenant je le connais. Avant même qu'il s'exprime, je sais déjà son état, je vois déjà son état. Elle est heureuse ou elle est malheureuse, elle est triste. En ce moment, elle est timide parce qu'elle sent que la pression est sur elle. Donc, c'est ça. Le sondage vient par rapport à l'humain, à ce que David exprime tout au début de ses versets. C'est le côté, Dieu, je t'autorise à me questionner. Je t'autorise à me connaître. Parce qu'il y a des personnes qui vont refuser à ce que Dieu les connaisse. Il y a des personnes qui vont dire, non, ça, je veux garder ça, ce jardin secret, c'est mon jardin secret. Et là, David, je dirais que David, c'est un homme qui prend des risques. C'est un homme qui s'expose. Et pour être leader, pour être manager une équipe, pour diriger, il faut prendre des risques. Des risques même qu'on se moque de toi. Mais comment il fait? Il ne fait pas bien, etc. Des risques à ce qu'on dit, mais toi, tu t'exprimes pas bien. Pourtant, c'est toi le leader, pourtant, c'est toi le responsable. Ah, il s'habille mal. Il y a toujours, souvent, des critiques au niveau des leaders. Même sa femme, la femme de David, David est content parce qu'il vient de remporter les victoires. Il danse devant l'Éternel. Ah, Seigneur, tu es grand, magnifique. Sa femme dit, c'est quoi ça? C'est ça, un roi? Un roi, une prestance. Il doit marcher, il doit s'exprimer avec autorité, avec discipline. Mais lui, il est en connexion, totale connexion avec l'Éternel. Il nous apprend des choses. Nous ne sommes pas pareils, nous sommes tous différents. Mais c'est juste qu'on puisse comprendre comment David fonctionne, comment ce verset aussi, comment ce psaume a été élaboré, a été exprimé, comment David s'est exprimé à travers ce psaume. Je prendrais un petit exemple. Avant-hier, toujours au niveau du camp, Eh bien, les jeunes que j'ai, c'est des jeunes de 6-12 ans. Il y en a qui ont 7 ans, 8 ans. N'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas les enfants? N'est-ce pas les enfants? 7, 8 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a une des monitrices qui est venue nous voir parce que elle est en train de donner des consignes, elle est en train de donner les règles, vous devez faire ça. Bientôt, on ira à la piscine, il faudra que vous puissiez être discipliné, etc., etc. Qu'est-ce qu'un petit, je prends son nom comme ça, un petit Sébastien, le petit Sébastien a 8 ans, un petit Sébastien, qu'est-ce qu'il trouve à faire? La monitrice est en train d'exprimer, lui, il est derrière, il est en train d'imiter la monitrice. Tu fais ça. Ok. Il joue. La monitrice dit, Sébastien, je suis en train d'exprimer. S'il te plaît, que tu puisses pas m'imiter, etc. Oh, donc, la monitrice dit, à la piscine, vous allez faire ci. Sébastien dit, la piscine, oui. Donc, comme un jeu. Et la monitrice s'est trouvée mal à l'aise. Elle s'est trouvée mal à l'aise parce que c'est comme si lui, il est en train de perturber, de le déstabiliser dans son fort intérieur. Là aussi, on voit le côté assurance. Est-ce que je suis fier de moi? Quelles sont mes limites? Il y a des choses aussi que je peux accepter, d'autres que je ne peux pas accepter. Et c'est normal que la monitrice puisse reprendre Sébastien en lui disant non. Et elle n'arrivait pas. Donc, en tant que responsable, on était obligé de parler à Sébastien, tout ça. Ah non, je n'ai pas fait comme ça. Mais quelle est la démarche? La démarche, c'est que, et Sébastien a compris, c'est que oui, voici comment elle fonctionne, voici comment l'imitation, mais en tant que personne responsable, en tant qu'individu, en tant que leader, monitrice, etc., nous, ça nous permet de nous remettre en question. Est-ce que ce que je fais est bien? Comment je le fais? C'est comme une sorte de critique, mais une sorte de critique positive, pas négative. Dans le sens que, moi, je pourrais dire, Sébastien, alors, viens, prends ma place. Explique les choses. Peux-tu expliquer? Ok, maintenant, tu es moi maintenant. Vous voyez? C'est le côté que souvent, ça vient nous chercher. Et c'est sûr qu'on n'a pas tous les outils à faire comme ça. Et c'est là la démarche que David a eue. C'est Dieu. Il se peut qu'il y a des choses que tu vas me révéler, ça va me faire mal. Il se peut que telle attitude que j'ai eue, ça va être sorti, peut-être je l'ai enfui, et voilà, tu le révèles. Mais le Seigneur, l'Éternel, lorsqu'il nous révèle des choses, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais au contraire, c'est avec amour pour nous dire, je t'ai déjà même pardonné, j'ai déjà même oublié. C'est je veux juste que tu changes, juste que tu avances, juste que tu progresses. Au contraire, tu puisses aider les autres. Toi qui es déjà passé par là, toi qui as subi ça, toi qui as subi l'humiliation, toi qui t'es fait, toi qui peut-être a trahi, maintenant tu as compris qu'il ne faut plus le faire. L'Éternel là est en train de parler, parce qu'il questionne David. Il questionne David, lui dit, voici ton état, voici où tu étais, voici d'où je t'ai pris. David était quoi? Était le dernier de sa famille. David était le dernier garçon oublié. Il était dans le champ, tandis que tous les garçons, les autres, étaient dans la présence du père. Hein? Il était toujours là, donc le père les connaissait, c'était des guerriers. David, lui, c'était juste un petit jeune oublié. David aussi, au niveau de sa... On sait que David est un brebis, un berger, il s'occupe des brebis, tout ça. Pas une grande, on dirait entre guillemets, une grande fonction. L'Éternel lui est en train de l'instruire, est en train de le montrer que d'où je t'ai pris maintenant, tu es roi, tu as gravé des échelons, tu as grandi en ma présence, mais n'oublie jamais d'où tu es sorti. Souvent, en tant qu'individu, on peut peut-être critiquer les autres, on peut peut-être avoir de mauvaises pensées par rapport, mais il faut savoir se remettre en question et dire, Seigneur, d'où tu m'as retiré? Qui je suis moi-même? Et un moment, David même parle à l'Éternel dans un autre psaume que j'oublie les références et dit, Seigneur, Éternel, je suis né dans le péché. Il parle à Dieu. C'est ce que j'aime avec David. Seigneur, je suis né dans le péché. J'ai grandi dans l'iniquité. tu me connais, tu sais que c'est ma nature qui est comme ça. Mais il dit, voici ce que tu veux, Seigneur. Mais tu veux que la vérité soit en moi. Tu veux un cœur pur. Voici ma démarche. Je sais que c'est difficile pour moi, mais voici ce que je veux faire. Alors, nous constatons que David a donné l'autorisation à Dieu de le sonder, l'autorisation à Dieu de le critiquer, l'autorisation à Dieu aussi de révéler à ce moment-là, tu as peur. Devant telle personne, tu as peur. Alors, pourquoi tu as peur? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi, un manque ou un manque d'estime de toi, etc.? Fais-moi confiance. Je suis ton père. C'est moi qui t'a créé. C'est moi qui t'ai formé. C'est moi qui t'ai bâti. Tu n'es pas moins que rien. Tu es mon enfant. Et par la suite, nous constatons au verset 6, si vous voyez le verset 6, il nous exprime une science aussi merveilleuse qui est au-dessus de ma portée. David se met vraiment au-dessous de l'Éternel. Il est roi, il est reconnu pour celui qui gagne, qui remporte les victoires, mais dit, l'Éternel, ta science me dépasse. Toi qui as formé tout ça, non, ta science me dépasse. Il prend le temps pour contempler, pour voir que, mais tu es celui qui a créé les choses, tu es celui qui fait les choses, tu connais même d'avance les choses, ta science me dépasse. Par la suite, David parlait de l'infini, la science infinie de Dieu. Il parle par la suite de la présence de Dieu, de l'infinie présence de Dieu. L'infinie présence de Dieu que nous pouvons constater, c'est comme le résultat de tout ça. Le résultat du sondage, lorsque l'Éternel a questionné tout ça, et dit, le sondage, c'est le résultat, c'est Dieu voit tout. OK? Et dit tout ça, c'est pour te montrer que oui, lorsque j'ai posé les questions, c'est que je savais que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Je le savais déjà. Parce que je t'ai vu, parce que je te voyais. Alors, pourquoi on parle de l'Éternel, l'omniprésence de Dieu, que Dieu est partout? Pourquoi David parle de ça? Parce que la nature humaine, l'homme, lorsque l'homme fait des bêtises, lorsque l'homme ne se sent pas bien, l'homme a tendance à s'isoler. L'homme a tendance à fuir. Dernièrement, je parlais, avec, un homme m'a interpellé pendant que je suis dans le camp. Un homme m'interpelle et me dit, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'enfants comme ça. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Les choses ont changé? J'ai dit, je ne comprends pas votre question. Oui, parce que, est-ce que c'est devenu une salle de royaume des témoins de Jéhovah maintenant? Qu'est-ce qui se passe, tout ça? J'ai dit, non, c'est toujours une église évangélique. Non, mais présentement, c'est un camp de jour qui se met. OK. Ah, je ne comprenais pas parce que j'étais membre d'ici depuis un certain temps, tout ça. Et donc, pour moi, je voyais que la situation a dégradé, c'est dégradé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous continuez à... Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout de suite, il s'est repris, il dit, c'est personnel. Ah, il s'est enfui. Comprenez? L'homme, c'est plus facile de prendre la fuite que d'affronter les choses. Non, il y a eu tel problème, telle situation. Mais arriver à régler les choses, arriver à trouver des solutions face à un problème. Les problèmes existent et existeront parce que les hommes sont différents. Daniel, on peut avoir un problème, un conflit par rapport à telle situation, mais ce n'est pas à cause de ce problème que je vais haïr Daniel, que je vais critiquer Daniel. Je dis, OK, je ne suis pas d'accord avec toi et je comprends ton opinion, comprends mon opinion, mais peut-être on peut trouver un terrain d'entente. Est-ce que si c'est possible et qu'on trouve un terrain d'entente? C'est, nous constatons que l'homme a tendance, je n'ai pas dit tous les hommes, Certains hommes ont tendance, hommes, femmes, ont tendance à prendre la fuite. Si vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Manger le fruit défendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés se cacher. Vous voyez la fuite? Qu'est-ce qui s'est passé pour Jonas? L'Éternel lui dit, va à Nénive. Ce sont des meurtriers, ce sont des bandits. Ils vont jamais accepter l'Évangile. Ils vont jamais se convertir. Ça m'est égal. Moi, je prends une autre direction. Il fait quoi? Il s'enfuit. Lorsque ça ne nous arrange pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fuite. Beaucoup de personnes dans cette église peuvent décider, je prends la fuite. Ce n'est pas, ça ne m'arrange plus. On peut décider de changer de lieu de culte, mais notre relation avec Dieu doit toujours rester identique. Ce n'est pas le lieu qui compte, c'est quelle est ma relation personnelle avec Dieu. Et nous constatons que Dieu est tellement rempli d'amour. C'est là où je vois vraiment que Dieu me dépasse. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas dans son coin et dit, oh, l'homme a décidé comme ça, il choisit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Adam et Ève sont en train de prendre la fuite, se cachent. L'Éternel vient. Il dit, où êtes-vous? Où êtes-vous? C'est entre guillemets, qu'est-ce que tu fais là? Dans cette situation, dans cet état. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne les laisse pas dans cette situation. Au contraire, il dit, ok, j'ai compris ce qui s'est passé. Et c'est comme Adam et Ève ont reconnu leur état, ont reconnu ce qu'ils ont fait. Et vous voyez, lorsque ils ont vu aussi leur nudité, comme l'Éternel les a habillés. Vous voyez toute la grâce, la faveur de Dieu. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu est un être d'amour. Dieu est le Dieu d'amour par excellence. Il ne condamne pas l'homme indéfiniment. Dans sa bonté, il revient vers l'homme. Alors, c'est ça le résultat. Dieu est présent partout, même au verset 7 à 12, nous le constatons. Il est présent partout. Il est omnipotent, omniscient. Et pourquoi tout ça? Pourquoi toute cette puissance, toute cette présence, pourquoi il manifeste cela envers celui qui s'approche de lui, envers celui qui se laisse sonder par lui? C'est pour, troisième point, la dépendance de Dieu, pour dépendre de lui. Dépendance de Dieu. Nous constatons que lorsque nous donnons l'autorisation à quelqu'un de nous sonder, de nous questionner, nous révélons des choses. Ça révèle des choses. Non, j'aime ça, j'aime pas ça, je suis comme ça, je reconnais, etc. Donc, nous devenons comment? Nous devenons fragiles, nous devenons vulnérables, entre guillemets. Mais, ce qui se passe, c'est que, puisque nous devenons vulnérables, Dieu, dans son amour, il veut dire non, dépends sur moi, je sais tes faiblesses, je connais tes limites, je sais comment tu es, je sais que ça va mal, je sais que cette situation est difficile pour toi, je sais que tu as fait des efforts pour réussir, mais ça n'a pas marché, mais dépends de moi. Une des choses que j'ai aimé avec David et que j'aime avec David, c'est que David a une toute dépendance à Dieu. Un homme qui dépend de Dieu, c'est un homme qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Pourquoi David a réussi? C'est juste parce qu'il dépendait de Dieu. Lorsqu'il faisait quelque chose, il questionnait Dieu. C'est pourquoi il dit, sonde-moi, il connaît mon cœur. Maintenant, il répond, maintenant, il veut connaître Dieu. Il questionne Dieu. Lorsque nous lisons dans les livres de Chroniques, dans le livre de Chroniques, il nous est dit que, je n'ai pas les références là, mais il nous est dit que David allait en guerre parce que les Philistins venaient l'attaquer, etc. Et un roi, il a des soldats derrière lui, il sait qu'il doit prendre une décision. Okay? Et là, il se tourne vers l'Éternel. Irai-je ou n'irai-je pas? les attaquer, les affronter. Ce n'est pas avec le nombre que j'ai que je me sens fort, mais c'est parce que je sais que tu me donnes l'autorisation, que ta faveur est sur moi. Et l'Éternel lui dit, vas-y, vas-y. D'où je veux revenir, c'est que dans la même période, il a battu les Philistins, ils ont pris la fuite. Quelques temps après, les Philistins reviennent à la charge. Tout soldat, tout chef d'armée allait dire, on va conquérir encore. Puisqu'on a réussi une fois, on va, l'Éternel est avec nous. Non, il se tourne vers l'Éternel. Il dit, qu'est-ce que je fais? Irai-je ou n'irai-je pas? L'Éternel lui dit, non, n'y va pas, contourne les Philistins. Parce que cette fois-ci, c'est moi, je vais les solutionner le problème. Nous constatons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'où la dépendance de Dieu. Ce que tu fais dans tes choix, dans tes décisions, dans tes projets, que ce soit des projets matériels, des projets immobiliers, des projets de construction, des projets de retraite, des projets d'études, des projets de je ne sais pas quoi, une dépendance à Dieu. Est-ce que c'est une bonne idée? Tu peux ressentir les choses, mais ou bien ton intellect, tu as étudié tout le projet, mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Parce que bien souvent, quelque chose qui nous paraît bon peut devenir malheureux, on peut vivre une situation tragique avec ça, à cause de ça. Donc nous voyons la dépendance, et c'est là où nous constatons, et je suis en train de prendre l'image de celui qui va voir un médecin. Pareil, un médecin ne va pas te prescrire des médicaments si il ne t'a pas consulté. Vous le savez, le médecin doit te consulter pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Okay? Tu sens des douleurs au niveau du ventre, etc. Donc, d'accord, ce n'est pas ton cas. Non, tu sens rien. Ok, ça va. Est-ce que c'est par ici? Est-ce que c'est par là? D'où tu sens? Il te consulte. Mais lorsque le médecin te consulte, maintenant, il dit, ah, ta situation, c'est pas si pire. C'est pas grave, ça. Tu prends juste quelques comprimés, si ça, ça ira. Vas-y, pendant 2 semaines, tu prends 2 fois par jour, etc. Et ça ira. Oui, c'est bon. Vous voyez, sondage, ok? Et voici, on te prescrit, on te donne un plan d'action, comme on pourrait dire en termes d'investissement ou en termes d'entreprise. Voici un plan d'action à mettre en place. Mais, attention, il se peut qu'au bout d'une semaine, tu te sens déjà bien, très bien. Oh, c'est bon, tout va bien. C'est comme je demande à Dieu quelque chose, c'est bon. Oh, pendant 1 mois, j'ai oublié Dieu. J'oublie Dieu. Les affaires fonctionnent, ça marche, tout marche pour moi. J'oublie. Je ne consulte plus, je ne lis plus sa parole. Je ne prie plus. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église parce que les affaires marchent. Je suis occupé. Mais je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est là. Ça ne veut pas dire que je l'ai oublié. Mais je sais que Dieu est là. C'est pareil, les médicaments sont là, ok? Mais ça va mieux. Je mets à côté. Le médecin t'avait dit 2 semaines. Qu'est-ce qui arrive? Souvent, 2e semaine, quelques jours après, ou dernière semaine, il y a une rechute. Parfois, c'est après 2 mois, il y a une rechute. Et le médecin, j'ai venu discuter avec des médecins qui disent, pourquoi? C'est parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout de la prescription. Jusqu'au bout. Même si tu sens les choses, jusqu'au bout. Nous constatons que l'Éternel a donné des commandements au peuple d'Israël. Il leur a dit, ok, voici Josué maintenant qui va vous faire traverser le fleuve et pour rentrer dans la terre promise. Ils sont rentrés dans la terre promise et tout allait bien. Elle dit, attention, ne vous détournez pas, ne vous conformez pas au peuple qui est autour de vous. Suivez mes instructions. C'est pourquoi il a dit à Josué, lis ta Bible, médite ma parole, jour et nuit. Mais pourquoi jour et nuit? Il y a des prescriptions qui sont là. Il y a des prescriptions dans la Bible. Il y a des directions que Dieu donne à ses enfants. Ça peut être difficile. Ça peut être compliqué à suivre. Et ça dépend du niveau qu'on est arrivé. C'est normal. Mais Dieu donne à chacun un niveau. Dieu donne à chacun, comment je pourrais dire, des prescriptions en fonction de où il est arrivé. Et j'aime le cas de Josué. Je suis sorti de Psaume de David pour prendre le cas de Josué parce que Josué a été confronté avec le peuple d'Israël et comme tout chef de famille, comme tout homme, comme toute femme qui peut-être est monoparental ou homme monoparental, peu importe, là où on doit choisir, faire des choix, des actions. Et il arrive, il constate que le peuple est en train de vaciller, en train de changer, il ne comprend pas le peuple. Il met au peuple au défi. Josué 24, verset 14. Il met au peuple, le peuple au défi. Il dit au peuple, OK, n'oubliez pas ce que l'Éternel a fait pour vous. N'oubliez pas d'où vous êtes sortis. Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Je ne vous oblige pas de servir Dieu. Je ne vous oblige pas de lire la parole. Je ne vous oblige pas d'aller à l'église. Choisissez ce que vous devez faire. Mais lui, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je veux arrêter là en disant que le salut est individuel. La relation avec Dieu est individuelle. C'est sûr que nous sommes tentés à regarder les autres. C'est sûr que nous sommes tentés à nous conformer avec ce qui se passe. Mais que notre relation, que ce que nous vivons, que ce que nous puissions, que notre croissance soit en accord avec les lois, les règles, avec ce que Dieu veut pour nous. Amen. Je voudrais qu'on puisse prendre un temps de communion, un temps que nous puissions même baisser la tête, que nous puissions prendre conscience que Dieu, je sais que Dieu a parlé à quelqu'un, une ou deux personnes, et je sais que l'amour de Dieu dépasse tout entendement. Ce n'est pas l'affaire d'un homme ni d'une femme. Ce n'est pas l'affaire d'un homme ni d'une femme, mais c'est l'affaire de Dieu. Sûrement tu t'es arrêté à un endroit. Sûrement, il y a un endroit où un parcours, dans ton parcours, dans ta relation avec Dieu, tu as diminué, tu as manqué. Mais Dieu est rempli d'amour. Dieu est rempli de compassion. Dieu est celui qui dit, fais-moi confiance. Oublie les circonstances, oublie la situation que tu vis. Comme David, compte sur moi. Compte sur moi. Je suis ton père. Si ton père est décédé, Dieu est ton père. Si ton père t'a abandonné, Dieu est ton père. Si tu n'as personne à tes côtés, pas d'amis, Dieu est un ami pour toi. Si tu es fragilisé par tout ce que tu as subi, Dieu veut te réconforter. Alors si c'est ton cas, je vais prier pour toi. Je sens que comme Dieu me pousse à prier pour toi, à réclamer une grâce pour toi, à réclamer sa faveur pour toi. Seigneur, je te prie pour cette personne que tu connais mieux que moi-même. Seigneur, que cette personne que tu as appelée, cette personne qui est fragilisée, cette personne qui a besoin de toi, je prie afin que ta grâce, ta faveur, ta présence, ta toute puissance puisse se manifester dans sa vie. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Merci.